Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les Donaldas de l'Université McGill et l'entrée tardive des femmes à l'université. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais à Montréal. Quoi? Je vais prendre le train. Demain. Mais veux-tu bien me dire qu'est-ce qui te prend? Je vais m'inscrire à l'Université des femmes. En droit. Je vais devenir une Donalda. Une Donalda? Je me comprends. Tu peux pas aller à l'université. J'ai fini première au couvent. Je vais devenir avocate. Jamais une femme va passer le barreau. C'est ridicule. T'es mariée. Tu peux rien faire sans ma permission. Tu m'appartiens. Les Donaldas, dont parle le personnage incarné par Madeleine Péloquin dans la télésérie Les Pays d'en haut, sont ces huit femmes qui seront les premières femmes à obtenir un diplôme d'une université québécoise en 1888. L'histoire des Donaldas est probablement l'un des épisodes les plus importants de ce long combat que vont mener les femmes pour accéder aux études universitaires chez nous. Et je me souviens, quand je suis sortie du couvent, je n'étais pas bachelière, parce que le Sacré-Cœur ne donnait pas le bachot. Alors, je me disais, j'aimerais donc ça, prendre mon bachot, je suis jeune, j'avais seulement 17 ans. Et mon père m'avait dit, non, c'est mieux que tu apprennes à faire des gâteaux que de prendre ton bachot. Mais l'université, ça ne vous intéressait pas? Bien, à ce moment-là, les femmes n'avaient pas d'accès à l'université. Ça a commencé une fois que je suis sortie du couvent. Et je me souviens que les portes de l'université sont ouvertes à peu près à ce moment-là. Mais est-ce que ça ne vous révoltait pas déjà à ce moment-là, que venant de votre père, auquel vous étiez très attachée d'ailleurs? Oui, mais je me disais, il doit avoir raison. Parce que je n'aurais jamais contesté ses décisions. Et seulement comme résultat, au lieu d'aller à l'université, je me suis mariée à 19 ans. La féministe et militante pour le droit de vote des femmes, Thérèse Casgrain, à l'émission d'Aline Desjardins, Femmes d'aujourd'hui, en 1975, pour nous parler des Donaldas, ces premières femmes diplômées d'une université québécoise, pour nous décrire aussi le long combat que vont mener les femmes pour accéder justement aux études universitaires chez nous. Je reçois Catherine Tourangeau, qui est chercheuse de postdoctorale au département d'histoire et d'études classiques de l'Université McGill à Montréal. Catherine Tourangeau, bonjour. Bonjour. Alors, au Québec, on va effectivement les surnommer les Donaldas, ces premières diplômées universitaire de l'Université McGill. Pourquoi ce surnom de Donalda, Catherine Tourangeau? Donc, le nom de Donalda vient de Donald A. Smith, futur Lord Strathcona, qui est un riche homme d'affaires né en Écosse, mais vivant à Montréal à la fin du 19e siècle. Il est impliqué notamment dans la compagnie de la baie du Tson et avec sa fortune. Il fait plusieurs dons philanthropiques, notamment à des institutions d'études supérieures, notamment à McGill. Donc, en 1884, il va faire un premier don de 120 000 $, une somme très considérable à l'époque, sous la condition que l'université commence à admettre des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes. Et par la suite, dans les années qui vont suivre, il va faire aussi d'autres dons pour favoriser l'accès des femmes à l'université. Donc, on comprend. Donc, ces premières diplômées grâce à cet octroi, ce don de Donald A. Smith, deviennent des Donaldas. Cela dit, c'est pas si évident. On oublie, là, mais c'est la fin du 19e siècle. Il n'y a pas encore de femmes dans les universités québécoises. Qui sont ces pionnières, ces Donaldas, ces femmes qui décident, tiens, oui, moi, je m'inscris à l'Université McGill? Donc, alors, ce sont toutes des femmes anglophones. Ce sont des femmes qui viennent de milieux très aisés. On en compte seulement 8 dans la première cohorte qui va graduer finalement en 1888. Certaines s'illustrent particulièrement. On peut nommer, par exemple, Carrie Derrick, qui est native des Cantons de l'Est, qui va fonder le département de génétique de McGill après avoir fait des études à McGill, puis en Europe et aux États-Unis. Elle va même fréquenter Harvard. On a aussi Maud Abbott, qui est la cousine de John Abbott, ancien maire de Montréal, ancien premier ministre, qui va être la première femme à recevoir un baccalauréat, en fait, de McGill et qui va s'illustrer dans le domaine de la santé cardiaque et en pathologie. Elle va même devenir professeure de pathologie à McGill avant que les femmes aient accès à la faculté de médecine. Donc, elles sont peu nombreuses, mais elles ne font pas honte aux femmes. Ouais, c'est des pionnières, vraiment. Donc, ça se passe, pour ce qui est de Montréal, à l'Université McGill, en 1884, c'est le coup d'envoi, le point de départ de l'entrée des femmes dans les universités québécoises. Ailleurs dans le monde, ça commence quand? Où est-ce qu'on commence à voir en premier des étudiantes inscrites à l'Université, Catherine Tourangeau? Quand les universités apparaissent en Europe au Moyen Âge, on n'entrevoit pas vraiment que les femmes accèdent aux salles de cours ou que les femmes obtiennent des diplômes des universités, mais les universités ne sont pas non plus formellement fermées aux femmes. Ce qu'on observe vers le 13e, 14e siècle, en Italie d'abord, quelques femmes de l'élite vont assister à des cours. Certaines vont même obtenir des diplômes. On peut penser à Bettizia Gozzatini, l'italienne, qui va obtenir une licence de droit. C'est quand même pas rien, à l'Université de Bologne dans la décennie 1230 et qui va devenir professeure. La tendance va se continuer en Italie, en Espagne, au 15e, 16e siècle, éventuellement en France, Pays-Bas, Suède, Allemagne, au 17e, 18e. Mais on parle à ce moment-là vraiment d'une poignée de femmes. Donc, c'est très, très peu de femmes et on voit pas vraiment de problème avec le fait que quelques femmes exceptionnelles aient accès aux classes universitaires. On s'oppose par contre à l'accès des femmes en masse aux classes universitaires. On ne voit pas la pertinence ou l'utilité pour une femme de fréquenter l'université, dans le fond. Oui. 19e siècle, on assiste à un autre phénomène parce qu'il y a quelques femmes, donc ces exceptions, qui se sont glissées sur les bancs des universités. Mais au 19e siècle, on commence à se dire, bon, il faudrait peut-être créer des institutions d'éducation supérieure qui leur soient spécifiquement destinées. Donc ça va devenir un phénomène aux États-Unis, entre autres, Catherine Tourangeau, un phénomène assez populaire, là, ces institutions d'études supérieures spécifiquement destinées aux femmes. Donc, effectivement, on s'oppose à l'entrée massive des femmes dans les universités existantes, donc réservées aux hommes. Ce qu'on va faire, c'est leur créer leurs propres institutions d'éducation supérieure, donc des collèges pour femmes, à commencer par Mount Holyoke au Massachusetts, qui est créé en 1837, qui va s'attirer les foudres de certains critiques dans la sphère publique, mais qui va être extrêmement populaire auprès des femmes de la bourgeoisie. Donc, plusieurs autres écoles vont ouvrir sur le même modèle. On réalise toutefois assez rapidement que les ressources de ces écoles-là sont beaucoup plus limitées que celles des collèges masculins, notamment parce que les professeurs qui sont tous des hommes, ne sont pas particulièrement attirés par ces écoles-là, qui sont peu prestigieuses. Donc, c'est ce qui va mener éventuellement à la multiplication des institutions mixtes. On peut noter ici le cas très particulier du collège Oberlin en Ohio, qui, dès 1835, admet des Afro-Américains et qui, dès 1837, devient mixte, donc homme et femme. On revient à nos Donalda après avoir fait ce petit tour de piste à l'extérieur du pays. Première diplômée, donc les Donalda, première diplômée universitaire du Québec en 1888. On a vu un petit peu plus tôt dans l'émission dans quel contexte l'Université McGill ouvre ses portes justement à cette première cohorte de femmes en 1884. Est-ce que ça va marcher? Elles sont huit, la première cohorte de diplômées, vous le disiez, elles sont huit femmes diplômées en 1888. Quel genre d'écho ça aura, cette ouverture de McGill aux étudiantes féminines? Est-ce que ça va provoquer une espèce d'engouement? Quelles seront les suites de cette ouverture de McGill? Les chiffres sont vraiment surprenants. Sachant que c'est vraiment les premières femmes qui fréquentent l'université, que ça s'est jamais vu au Québec, les inscriptions se multiplient extrêmement rapidement, surtout après la première cérémonie de graduation qui implique des femmes dès 1889, donc l'année suivante. Le tiers des étudiantes de McGill sont en fait des étudiantes. Donc, il y a clairement pas une absence de désir de fréquenter l'université de la part des femmes. C'est ultra rapide, en fait. C'est très, très rapide. C'est là qu'on voit vraiment qu'il y a un frein institutionnel plutôt qu'un frein lié vraiment au genre. Ce n'est pas que les femmes ne veulent pas fréquenter l'université, c'est qu'elles n'ont pas les moyens de le faire avant le don de Donald Smith. Oui. Donc, une première ouverture importante, significative, et les femmes sont au rendez-vous, on vient bien de le comprendre. Cela dit, tout n'est pas gagné, très, très loin de là. D'abord, parce que ça restera quand même marginal, entre guillemets, le nombre de femmes qui fréquenteront l'université pour encore de nombreuses décennies. Et puis aussi, Catherine Tourangeau, parce que les conditions dans lesquelles les femmes vont étudier ne se comparent pas à ce que leurs collègues masculins connaissent, ne serait-ce que par le nombre de programmes qui leur sont interdits pour très longtemps encore. Effectivement, donc, ça faisait partie de la vision de Donald Smith avec son don. Il voulait que les femmes aient accès exactement aux mêmes programmes, aux mêmes opportunités que leurs collègues masculins. C'est pas exactement ce qui s'est passé sur le terrain, donc. D'abord, il y avait une ségrégation sur le campus. Les femmes et les hommes n'avaient pas le droit d'utiliser les mêmes locaux, les mêmes salles de classe, les mêmes équipements. Une grande partie du don de 120 000 $ qu'il a fait à l'université, c'était pour créer des locaux séparés. Mais bon, c'est quand même pas suffisant pour créer des locaux tout en double, dans le fond. Donc, certains programmes, certains cours sont nécessairement fermés aux femmes par manque d'espace, mais aussi parce qu'on ne veut pas voir des femmes, par exemple, dans la faculté de médecine ou dans la faculté de droit. Donc, on confine les femmes entre elles et on leur refuse l'accès à certains programmes qu'on juge peu appropriés pour des femmes. Si McGill ouvre ses portes à cette première cohorte d'étudiantes en 1884, jetons un coup d'œil sur ce qui se passe du côté francophone, des universités francophones. Il y a un retard, il y a un délai par rapport à ce qu'on a vécu à McGill. De quel ordre est ce délai et pourquoi ce retard des universités francophones? On parle quand même de plusieurs décennies qui séparent l'entrée des femmes dans le réseau anglophone et l'entrée des femmes dans le réseau francophone. On peut pointer notamment les institutions. Donc, le système d'éducation francophone qui est sous l'emprise de l'Église catholique depuis la fin du 19e siècle commence à se cristalliser vraiment après 1867. Et c'est un système qui pénalise beaucoup les femmes. Dans le système francophone, la façon la plus simple et presque automatique pour se rendre à l'université, c'est de fréquenter un collège classique. Or, jusqu'au début du 20e siècle, les collèges classiques, il n'y en a aucun qui admet les filles, les femmes. Donc, on redirige surtout les femmes vers les écoles d'enseignement ménager, par exemple, ou vers les écoles de secrétariat, peut-être vers une école normale, donc l'école pour les enseignants. Mais tous ces cours-là ne leur donnent pas accès par la suite aux études universitaires. Parce que les universités ne reconnaissent pas ces programmes-là comme étant un prérequis pour entrer à l'université. Ça, c'est un problème. Exactement. C'est vraiment seulement au début du 20e siècle que certains collèges, sur le modèle du collège classique, vont être créés spécifiquement pour les filles à Québec et à Montréal. Et encore là, ça va prendre du temps avant que les universités reconnaissent ces diplômes-là, puisque c'est les universités menées donc par l'Église catholique qui ont le droit, qui ont toute l'autorité de choisir quel diplôme constitue un diplôme préuniversitaire, si on veut. Et à ce niveau-là, c'est intéressant de noter que Montréal va être en avance sur Québec. Donc, l'Université de Montréal, qui est à la base une filière de l'Université Laval à Montréal, va, dès 1908, reconnaître un diplôme d'un collège classique de Montréal pour filles comme étant un préuniversitaire. Donc, à partir des années 1910, on a des femmes qui vont étudier à l'Université de Montréal, peu, on s'entend, c'est un très petit chiffre. Et Québec, on doit attendre jusqu'aux années 1920. Donc, on a quelques exceptions de femmes qui réussissent à suivre des cours à l'Université Laval à Québec avant 1920, mais c'est seulement à partir de 1925 environ que les femmes peuvent être admises de façon régulière, comme leurs collègues masculins, dans le fond. Et c'est une différence qu'on peut peut-être expliquer par le tissu social de Montréal, qui est plus commercial. Donc, on a une bourgeoisie marchande, bourgeoisie professionnelle, qui accorde plus d'importance à la formation, l'éducation des femmes, dans le but qu'elles se marient, dans le fond, qu'elles fassent de bons mariages. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu ironique là-dedans, mais c'est ça l'idée. Donc, il y a des obstacles systémiques. Vous venez de nous en donner, d'en énumérer plusieurs. Il y a aussi tout un discours, évidemment, qui va se développer, une espèce de discours social ambiant qui exclut, en quelque sorte, les femmes des études universitaires. On écoute à ce propos l'animatrice Jeannette Bertrand au micro de Boucard Diouf à l'émission La nature selon Boucard en 2018. Vous entendrez tout de suite après la professeure Pierrette Sartin répondre aux questions de Françoise Fauché à l'émission Femmes d'aujourd'hui en 1969. On parle de l'époque où on regardait les filles et les garçons, puis on disait, pour ce qui est des capacités cognitives, il y a une différence entre les garçons et les filles. Je viens d'une famille. Vous avez vécu ça, vous? Oui, trois garçons, une fille, moi la dernière, et j'étais rien qu'une fille, persuadée que j'étais pour me marier, ce qui me donnerait de l'importance, bon, tout ça. Qui a incité vos parents à vous inscrire à l'école, vous? Étiez-vous tenace? Vous aviez dit, je vais y aller? Non, mes frères ont fait un cours classique, les trois, puis moi, j'ai demandé d'aller à l'université. Et mon père a dit cette phrase, et j'adore mon père, c'est un homme extraordinaire, mais il était de son temps, pour changer les couches. Petite fille, t'as pas besoin de ça. Dans beaucoup de réponses, revient le mot culpabilité. Au début, quand on suit les cours, on se sent coupable. Coupable pourquoi, Madame Sartin? Parce qu'on a fui le foyer? Oui, alors ça, je crois que nous tombons encore sur ces éternelles questions de terminologie et de terminologie culpabilisante. Pourquoi une femme qui va à l'université fuit-elle son foyer? Est-ce qu'elle le fuit d'abord? Quand une femme va chez le coiffeur et qu'elle y passe un après-midi, on n'estime pas qu'elle fuit son foyer. Quand elle va à l'université suivre un cours, on estime qu'elle fuit son foyer. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. On culpabilise les femmes parce qu'elles ne trouvent pas dans leur mari tout ce qu'elles demandent, toutes leurs aspirations, et qu'elles ne les trouvent pas non plus toutes satisfaites dans leurs enfants. Mais je crois que ça, c'est une chose extrêmement dangereuse, c'est une chose bien peu réaliste. Quel est celui d'entre nous qui peut se vanter de tout apporter à un autre? Enfin, je crois qu'il faudra aborder le problème avec infiniment plus d'humilité, hommes et femmes. Alors, ce sont toutes ces notions, n'est-ce pas, que je crois qu'il faudrait un petit peu décanter, sur lesquelles il faudrait réfléchir, avant de parler d'une femme qui fuit son foyer parce qu'elle va passer 2 heures ou 3 heures par semaine à l'université. Ça n'a pas de sens. Alors, quelle place occupe ce discours-là, ce discours d'exclusion des femmes des études universitaires, Catherine Tourangeau? Et de fait, de quoi il est fait, ce discours-là? Bien, on a beaucoup d'indices là, dans les extraits qu'on vient d'entendre. On peut identifier plusieurs points. D'abord, on considère que la place de la femme, c'est le domaine domestique. Donc, la femme appartient au foyer. Elle est essentiellement mère et épouse. Donc, l'université qui appartient plutôt à la sphère publique, intellectuelle, ne lui appartient pas. Comme on a entendu avec Jeannette Bertrand, on considère généralement que les femmes sont moins intelligentes que les hommes, tout simplement. Donc, elles n'ont pas nécessairement les capacités même pour aller à l'université. Et qu'elles n'ont pas à le faire. Au même titre qu'un homme. C'est un peu vu comme un caprice, entre guillemets, là. Oui, effectivement. Donc, il y a aussi une certaine peur de la part de la société, hommes comme femmes. On a peur que les femmes, au contact de la compagnie d'intellectuels, de garçons qui vont à l'université, dans le cadre urbain aussi des universités, aient des idées dangereuses, des idées d'irreligion, des idées, bon, tout ce qu'on associe à la ville là, à l'époque, qui est un petit peu négatif. Ouais. Puis, ben, finalement, le plus important, on a peur qu'elles se détournent de leur devoir de mère et d'épouse. Et donc, c'est vraiment le tissu social canadien-français, la survie de la nation, pratiquement, dans certains discours qui pèsent sur les femmes, qui doivent rester à la maison, qui doivent, et non, être détournées de leur, de cet idéal domestique. Mais malgré par l'université. Malgré ce discours, malgré tous les obstacles qui vont se dresser sur leur chemin, il y a certaines femmes qui vont réussir à défoncer les portes de l'université. Donnez-nous quelques exemples de ces pionnières-là, Catherine Tourangeau. Il y a plusieurs femmes qui vont effectivement donc réussir à s'impliquer dans l'université et à s'illustrer de très belles façons. On peut penser évidemment à Irma Levasseur, qu'on connaît pour avoir fondé l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Elle va faire sa médecine aux États-Unis. Chemin obligatoire à l'époque pour une femme. Donc, on ne peut pas faire sa médecine au Québec. Alors, on va le faire ailleurs, à l'Université Saint-Paul au Minnesota. Quand elle revient au Québec en 1902, elle veut suivre quelques cours en français à l'Université Laval, essaie de s'inscrire et on lui refuse l'accès parce que c'est une femme. Ça va même prendre une loi privée du Parlement du Québec pour qu'elle puisse exercer son métier dans sa langue, dans son pays. Un autre exemple assez intéressant est celui de Marie Sirois. C'est la première qui est diplômée de l'Université Laval. Donc, elle a un certificat en littérature en 1904. Ce qui est intéressant avec elle, c'est que c'est un de ces cas d'exception où elle n'est pas inscrite de façon régulière au même titre que n'importe quel garçon. Donc, on fait vraiment une exception pour elle et on lui refuse l'accès à la cérémonie de collation des grades. C'est grave quand même parce qu'on pense qu'il va y avoir une émeute ou... Bon. Et finalement, une dernière pionnière qui est assez importante, c'est Jeanne Lapointe. Elle reçoit un diplôme de la Faculté des lettres de l'Université Laval en 1938, devient prof en 1940, et elle s'illustre particulièrement comme intellectuelle publique. Donc, elle va écrire dans Cité libre, elle va faire des chroniques à Radio-Canada, la critique littéraire principalement. C'est une chose qui est rarissime pour une femme à l'époque, non seulement d'étudier à l'université, d'enseigner à l'université, mais aussi d'intervenir dans l'espace public. Oui. On ne peut pas, évidemment, faire une émission sur l'entrée des femmes dans les universités québécoises sans parler de la commission Parent dans les années 60, qui va vraiment signer un grand déblocage de l'accès aux études universitaires chez nous pour les femmes, pour les hommes aussi. Écoutons à ce propos-là le sociologue Guy Rocher, qui a été membre de la commission Parent, extrait du documentaire réalisé par Caroline Martel en 2008, l'Université québécoise. Recoller les morceaux. Quand j'ai fait mes études de droit en 1944-45, sur 100 quelques étudiants que nous étions en première année, il y avait 3 filles. Tout le reste, c'était des garçons. Eh bien, il y avait vraiment un problème d'accessibilité à l'université pour les filles et pour un grand nombre de garçons. L'université était beaucoup trop limitée dans son accès au Québec. Limité à ceux qui avaient eu le privilège de faire un cours classique à l'époque. C'était la seule voie d'entrée à peu près à l'université. Ce qui s'est passé au Québec en 1960, autour de la commission Parent, s'inscrit, je dirais, dans ce mouvement occidentale de démocratisation. Et démocratisation voulait dire quoi? Voulait dire, premièrement, d'ouvrir le plus possible toutes les institutions d'enseignement supérieur, collégiales et universitaires, à tous ceux et celles qui ont les talents et le goût, la motivation d'y venir. Quel que soit leur sexe, quelle que soit leur religion, quelle que soit la région où ils habitent. Alors, quel impact aura cette fameuse commission parents sur l'accès des Québécois francophones, des femmes en particulier, Catherine Tourangeau, aux études universitaires? Dès les années 1940-1950, il faut quand même le noter, donc dans l'après-guerre, il y a une sorte de poussée d'inscription aux universités qui s'inscrit dans un contexte occidental vraiment plus large, mais c'est encore assez limité au Québec. Ça va vraiment prendre. Donc, cette commission parents mise sur pied en 1961 par le ministre de la Jeunesse du gouvernement Lesage à l'époque, Paul Gérin-Lajoie, qui va être présidé par Monseigneur Parent, d'où le nom Commission Parent, et qui va faire une vaste étude sur l'état du système d'éducation au Québec dans le but d'émettre des recommandations précises pour une modernisation en profondeur du système. Et c'est exactement ce qui va en sortir sur les recommandations du rapport Parent. On va créer le ministère de l'Éducation, qui va être indépendant de l'Église. On va créer le système des polyvalentes. Les cégeps vont remplacer le cours classique. Et on va créer le système des universités du Québec, donc qui vont s'étendre d'ailleurs à l'extérieur de Montréal et de la ville de Québec, donc à la grandeur de la province. Ce qu'on va avoir à ce moment-là, ça va être un système public unifié, en théorie gratuit jusqu'à l'université, ce qui ne va pas durer. Mais ça va être la première fois là, dans l'histoire du Québec qu'on va avoir ça. Et je voudrais souligner ici l'apport de Jeanne Lapointe que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui était une des commissaires de la commission parents et qui a particulièrement insisté sur la sécularisation du système de l'éducation, sur l'abolition des collèges classiques et sur la création de classes mixtes. Donc, c'est à elle qu'on doit quand même certaines recommandations majeures. Et c'est toute une gamme de recommandations qui va avoir un impact direct, vraiment, sur l'accès des femmes et des hommes québécois aux études supérieures. Dès les années 1970, en fait, on voit que les femmes sont majoritaires dans les études postsecondaires. Et dès 1984, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à fréquenter l'université. Une tendance qu'on voit d'ailleurs encore aujourd'hui. Catherine Tourangeau, chercheuse postdoctorale au département d'histoire et d'études classiques de l'Université McGill, c'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci pour votre participation à l'émission. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.